Chapitre 12. Retour en France. Pour une petite année encore, je retourne habiter chez mes parents avec l'intention de préparer mon certificat d'aptitude au professorat en mai prochain. Est-ce bien ma voie? Aurais-je le goût de transmettre? Serais-je capable de m'emprisonner dans un carcan horaire alors que j'ai l'esprit vagabond? Je crains aussi le fossé entre l'étude passionnante de la littérature germanique et l'enseignement d'une langue à la réputation d'être rébarbative. À quoi bon toutes ces questions? Je n'ai pas le choix, mon allocation d'études m'ayant été octroyée contre l'engagement d'enseigner au moins 10 ans. Rembourser ou prendre l'argent? Travailler en Allemagne serait possible, mais pourrais-je m'investir librement en tant qu'étrangère dans la vie sociale et politique comme j'en ai de plus en plus envie? Me condamner au silence dans un pays étranger est pour moi une idée insoutenable. Si je suis reçue après mon stage, je demanderai un poste en Alsace ou en Lorraine pour être plus près de Klaus. M'ennuyant passablement au sein de ma famille, je pars à la recherche de mes anciennes amies. Françoise a rejoint en Australie un homme rencontré sur un quai de gare en Angleterre. Hélène se trouve présentement en Allemagne, je ne sais où. Il ne reste plus dans ma ville que Monique qui achève ses études de psychologie. Cheveux roux, coupés courts et corps osseux, un peu viril, taches de sang et de tout petits yeux bleus roulant comme des billes derrière de grosses lunettes de myope. Je l'accompagne souvent à la cinémathèque et dans ce café du centre-ville où nos grandes discussions philosophiques alternent avec des crises de fou rire, comme autrefois au lycée. Toutes les deux, nous nous posons une question lancinante. Mais qu'est donc devenue Bernadette? Plus aucune nouvelle de notre douce camarade de terminale à la chevelure brune, aux boucles si jolies, qu'on avait envie d'y passer la main. Une voix suave, des traits délicats de Madone s'accordant avec une grande douceur, la bonté incarnée. Pauvre oiseau blessé que nous prenions naguère sous notre protection, abandonné très tôt par une mère volage, mais tout pétri par l'amour d'un père adoré, habitant quelque part en Corrèze. Bernadette a rejoint la cohorte des amis à jamais disparus, Aziz, Byron, Beate, Jutta et quelques autres. Je me reproche amèrement d'avoir égaré leurs adresses. Je reçois, un beau jour du mois de mars, une visite tout à fait inattendue. Frédéric, mon amoureux de terminale, sonne chez mes parents. C'est moi qui ouvre la porte. Je passais. Comment tu vas? Viens, allons nous asseoir dans le jardin, nous serons tranquilles. Bien sûr qu'il ne passe pas par hasard. Serais-je moi aussi un objet de nostalgie? Dis Frédéric, où en es-tu avec ton amie d'enfance pour laquelle tu m'as largué? C'est fini depuis belle lurette. Je contemple silencieusement le jeune homme qui me regarde timidement, qu'il a de beaux yeux bleus, et ses cheveux blonds, un peu cendrés maintenant. Et quelle stature! Un bel homme en vérité. Tourne un peu la tête, Clotilde. Ah, je retrouve ton profil que j'aimais tant. J'éclate de rire. Tu es en mal de femme, dis. Tu tournes tout en dérision. Je voulais te voir, toi. Eh bien, me voilà. Je suis officier maintenant, tu sais. Toujours pacifiste, idéaliste, utopiste, sans doute marxiste. Nous avons pris des chemins très différents, Frédéric. Mais l'attirance est toujours là, non? Je le vois et le sens dans tes yeux. As-tu oublié notre rencontre, nos baisers? Je n'ai rien oublié. Mais mon cœur et mes pensées sont ailleurs désormais. Je vais bientôt me marier. Frédéric se lève d'un bond. Adieu, Clotilde, adieu. Sans tristesse, je me mets immédiatement à écrire à Klaus, auquel j'ai tant à dire depuis notre séparation. Je termine ainsi ma lettre. Tu es habitué à ce que je t'envoie de temps à autre certains comptes rendus de nos voyages. Le petit texte que je te joins te permettra de comprendre mon envie de prendre toujours le large. Oui, je sais. La description que je fais du milieu familial est dure. L'image que je donne de ma mère peut apparaître très négative. En fait, je crois qu'elle m'a légué tous ses défauts, certains pouvant passer tout de même pour des qualités. Du moins, je l'espère. J'aimerais tant être affectueuse, chaleureuse, moins sèche, naturelle. Mais on ne se refait pas. Enfin, tu me connais. Post-scriptum. Si je n'aimais pas mes parents, je ne leur écrirai pas de longues lettres dès que je suis au loin. Des lettres qu'ils lisent et relisent, puis rangent soigneusement. Le problème chez nous, c'est que nous ne savons pas montrer ouvertement nos sentiments, et je me demande à quoi ça tient. Voici donc le texte en question que j'ai tout de même hésité à envoyer à Klaus. Un long texte que j'ai écrit en 4 fois. Je longe la cour de l'église, entourée de hauts tilleuls que le printemps naissant saupoudre d'un vert léger, avivé par la caresse de la bruine. L'édifice datant d'un style abâtardi du début du siècle, mais cher comme un objet familier à l'effet apaisant. Je pousse la haute porte brune du bas-côté et prends place auprès d'un pilier. Mon regard balaye les hauts murs livides avant de s'accrocher quelques instants au rectangle immaculé de la nappe de l'autel plongé dans la pénombre. Je ne prie pas et n'ouvre pas le missel posé devant moi. J'écoute avec mes pauvres mots, mon esprit perpétuellement agité. Ma tentative de mise en équation du monde qui m'entoure et de ma petite personne n'est-elle pas vaine? La porte donnant sur la sacristie claque soudain et une ombre noire remonte l'allée centrale. Je me tasse sur mon banc et feins le plus profond recueillement. Que l'homme de Dieu aille son chemin solitaire, bardé de ses certitudes, et me laisse bien seul avec mon délicieux et tumultueux questionnement intérieur. Le bruit de pas s'éloigne, une éclaircie remplit la nef de lumière. Alors je décide de rentrer enfin chez moi, afin de ne pas inquiéter ma mère. Assise derrière sa table à repasser, dans le coin le plus lumineux de la grande cuisine carrelée de blanc, comme dans un hôpital, maman fait un ourlet à une robe. Son linge est toujours impeccablement entretenu et elle manifeste souvent le regret de ne pas avoir pu faire un apprentissage de couturière. Elle a boutonné jusqu'en haut sa blouse de cuisine grise, taillée dans un tissu synthétique brillant dont les motifs rappellent le cachemire. Ses pieds, qu'elle a toujours gelés, sont emmitouflés dans de grosses charentaises. Un corps d'allure encore juvénile, mais le visage poupin, aux pommettes légèrement couperosées, paraît sans âge, moins en raison des cheveux argentés que de l'accent circonflexe, de lèvres minces encadrées par deux rides profondes. Après un baiser furtif, nous ne trouvons pas grand-chose à nous dire. Par politesse, je ne m'éclipse pas tout de suite dans ma chambre et reste plantée devant l'une des deux fenêtres situées dans un angle de la pièce. Jamais âme qui vive à l'ouest. Seul le ciel vivant apporte des notes journellement changeantes dans un décor immuable de toitures et de hauts murs d'enceinte, surplombés présentement par les bouquets cotonneux d'arbres fruitiers. La deuxième fenêtre donne au sud, sur une grande cour flanquée à droite d'une étroite maison ancienne à 2 étages et à gauche, en bordure de la rue, d'une baraque de plein pied appartenant aux Jaunets. Une vue morne, ni belle, ni laide. La journée est encore en train d'arroser ses fleurs, lance ma mère sur un ton persifleur. Je jette un regard sur la vieille femme en manteau noir, s'affairant derrière sa cambuse, auprès de ses 2 rangées de plantes grasses alignées sur 2 planches mal rabotées. Elle n'a rien trouvé de mieux que de les mettre dans des pots ébréchés ou des boîtes de conserve rouillées dont elle n'ôte même pas l'étiquette. Je hausse les épaules. Pourquoi déverser tant de fiel sur la créature simplette, toujours si fière de me montrer ses cactus et autres trésors qu'elle soigne avec amour? N'est-ce pas touchant d'entendre quelqu'un parler avec sensibilité de cette vie qui germe et éclot et sourit au soleil avant de mourir? Mon père, lui aussi, aime le foisonnement et la luxuriance dans son jardin, alors que maman ne goûte la végétation que soumise à la taille la plus stricte et à la symétrie. Cela fait bien 15 ans que je lui vois le même manteau sur le dos. C'est qu'elle n'est pas bien riche, maman. Penses-tu? Lui a une petite retraite correcte et tous les deux consomment presque rien. Je les vois bien les jours de marché. Elle se fiche du paraître, c'est sûr. Il faut dire aussi qu'elle a un tout petit poids dans le crâne. Elle est tellement bête que personne ne la fréquente. Mais je ne vois pas le rapport entre les toilettes et les capacités mentales de Madame Jaunet. Tu fais celle qui ne comprend pas. Tu penses jamais comme tout le monde. Ah, ces jugements sans appel, ces critiques acerbes. Comment juguler cette hargne qui monte si souvent chez maman? Faut-il que le vide intérieur soit abyssal pour le meubler ainsi de pensées aussi négatives sur les gens et les choses de la vie? Curieuse de voir jusqu'où peut bien aller la malignité, je fais semblant d'en rajouter. Elle n'est pas bien jolie, c'est vrai. Des dents pourries, de gros yeux globuleux de myope, des longues mèches raides, poivre et sel, un buste frêle et plat, une peau tannée comme un vieux cuir. Et puis elle a cette manie fort incommodante de vous postillonner dans la figure. Moi, ce qui me fait surtout rire chez elle, ce sont ses jambons V qui disloquent tout le bas du corps au moindre mouvement. Je ne sais pas comment Monsieur Jaunet, qui présente plutôt bien, a pu se remarier après son veuvage avec un tel laideron. Les hommes ne sont pas difficiles. Il lui fallait quelqu'un pour la popote et le linge. L'emploi de cette femme dans une cantine de collège était une sérieuse référence pour lui. Me parle pas de cette cantine. Elle me casse les oreilles avec ça. Il n'y a vraiment rien eu d'autre dans sa vie. À croire qu'elle y joue un rôle plus important que le directeur. Que veux-tu, on se valorise comme on peut. Pour me tirer du bourbier où je m'enfonce avec ma mère, j'essaye de redresser la barre. Monsieur Jounet voulait peut-être un petit bout de femme effacée et mener une vie bien tranquille. Détrompe-toi, elle n'est pas si bonne que ça. Elle est non seulement bête comme ses pieds, mais méchante. Elle voit tout ce qui se passe et colporte toutes les nouvelles du quartier, à sa manière, naturellement. Tu crois? Si je te le dis. Tu l'as jamais vu tirer son rideau en douce quand tu passes devant chez elle? Elle ne peut pas toujours être aux aguets, voyons. Ma pauvre fille, tu ne sais rien de la vie. Les gens sont mauvais. Tu peux pas savoir à quel point. J'entends jamais papa dire du mal de qui que ce soit, et surtout pas les petites gens. Toi, par contre, t'es sans pitié. File dans ta chambre, va au diable. Assise à mon bureau dans ma chambre, le front dans mes mains, j'écoute le bouillonnement de mes pensées, puis je me lève et contemple par la fenêtre l'ouate crépusculaire qui s'est engouffrée dans les jardins. Dans le ciel, une première étoile lance ses appels mystérieux. Comme j'aime la beauté et aspire à la bonté, pourquoi faut-il que des forces hostiles conspirent à rétrécir mon esprit qui cherche à s'ouvrir à l'univers? J'entends dans les escaliers à côté de ma chambre le pas lourd de mon père qui rentre du travail. Il va venir me dire bonjour, je le sais. Alors je me rassois et fais semblant de travailler pour ne pas lui montrer mon trouble. Il ouvre doucement la porte de ma chambre et du seuil m'adresse son habituel sourire débonnaire. Son regard amical, qui perçoit de suite mes traits tendus, est mon air perdu et triste, et pour moi comme une invitation à la confidence. Nous nous sommes encore disputés. Papa répond par un léger soupir et referme doucement la porte. Les jérémiades de maman, décuplées par les froids matériaux dont est faite la maison, me nouent la gorge, mais je suis tranquillisée par la présence de mon père qui feint, comme à l'accoutumée, de prêter une oreille attentive à son épouse. Il ne prend jamais parti, quitte à passer pour un lâche. Il attend simplement que la crise passe. Au bout d'un moment, je l'entends dire « Bon, je vais faire un tour au jardin. » Comme toujours, maman s'incline devant ce prolongement rituel de la journée de travail de son mari qui permet de mettre du beurre dans les épinards. L'atmosphère semble maintenant déchargée de son électricité et le silence qui s'installe n'est rompu que par le bruit du fer à repasser sur sa planche. Pourquoi une telle discorde entre mère et fille? N'avons-nous rien en commun? Je m'interroge, en jetant un coup d'œil sur les reproductions d'œuvres tapissant les murs de ma chambre, j'ai soudain une illumination. Est-ce que je ne tiens pas d'elle ma manie de tout ordonner en tableau que je juge sans complaisance? Ne suis-je pas mauvaise langue, moi aussi, à ma manière, du moins dans un premier mouvement? Si papa ne donne d'avis sur personne, c'est que lui ne semble pas voir grand-chose. Seulement voilà, mes critères d'appréciation sont toujours à l'opposé de ceux de maman, qui sont pour elle des vérités intangibles. Sa notion du beau, par exemple, me glace. Je lui plais avec des cheveux très courts et des vêtements qui me donnent un petit côté collet monté. Dès que j'ai passé le coin de la rue, je me déboutonne et m'ébouriffe. Elle abomine le débraillé. Rien ne doit dépasser ni être en surcharge, tant physiquement que moralement. Tout en caressant du bout des doigts mes livres disposés en une belle rangée sur mon bureau, je me dis que je suis injuste. C'est maman qui m'a poussée vers les études et qui crée autour de moi une atmosphère propice au travail intellectuel en se retenant de venir papoter dans ma chambre et me solliciter pour des tâches ménagères. Mais tous ces livres nous éloignent l'une de l'autre. Elle le sent tout comme moi. Je n'étale pas mon petit savoir, mais toute critique argumentée de ses propos la crispe et la déstabilise. Elle craint toute remise en question de ses valeurs hérissées de la tradition et s'insurge contre ma supériorité de fille instruite et naturellement autoritaire qui cherche toujours à avoir le dernier mot. Pourquoi ne savons-nous pas nous parler sans nous blesser? Si elle est dure avec moi, ne le suis-je pas aussi avec elle? Je prends mon courage à deux mains et vais dans la cuisine où maman épluche des légumes pour la soupe du soir. Son visage tuméfié et rougi fait pitié. Maman, tu veux que je t'aide? Si tu veux, je me jette à l'eau. Pardonne-moi. Ma pauvre fille, pourquoi est-ce que tu t'emportes comme ça? Et pourquoi suis-je si méchante à tes yeux, alors que je fais tout ce que je peux pour mes enfants? Je ne réponds rien et maman n'insiste pas. À quoi bon? Parler, ce serait rouvrir de vieilles plaies liées à la petite enfance de l'une et de l'autre et en générer de nouvelles. Dans la cuisine, la famille est maintenant assise autour de la table, nue et froide, en formica, sur laquelle on a jeté plus que posé les couverts et les assiettes en verre, pareil à celles qu'on trouve dans les cantines scolaires. La soupe fume dans la cocotte minute, posée à côté de la bouteille de vin rouge. Papa fait la moue car maman l'a passée au mixeur et non au moulin à légumes. Il lui lance d'une voix sèche. Tu sais bien que les légumes perdent leur goût de cette manière. Pauvre ami, laisse-moi donc tranquille. En quoi ça t'embête de les passer à la moulinette? J'ai voulu faire vite. Après quoi tu cours? Tu as toute la sainte journée pour toi. Tais-toi donc, je fais ce que je peux, répond maman d'un ton génial. Je me crois obligée de prendre la défense de l'accusé qui se débat comme un oisillon blessé. Moi j'aime bien cette soupe, papa. Il y a mille manières de préparer la soupe et mille goûts différents. Clotilde, arrête de faire la leçon à ton père. Tu ne vois pas que tu lui fais de la peine? Les yeux du père sont effectivement mouillés. On peut quand même discuter, non? Toi, maman, tu te plies aux ans de ton mari comme au 19e siècle. Mange ta soupe, dit le père sèchement. « Bon, je mange, mais tu sais ce que je pense de tes manières de patriarche. »« Personne ne te demande ce que tu penses. » »« Je me tais, mais n'en fais pas moins sentir que j'ai du mal à dompter ma langue. » Le père lape sa soupe bruyamment. La mère porte à sa bouche des cuillerées trop pleines qui lui dégoulinent sur le menton de temps à autre, ce qu'elle ne sent pas, suite à une opération ayant à sensibiliser une moitié de son visage. Je lui fais signe discrètement de s'essuyer. « Papa, tu avales de l'air en aspirant le liquide, ce n'est pas bon pour la santé. »« De quoi tu t'occupes ?» Je jette un regard de biais sur mes deux jeunes sœurs et pousse du coude Josette qui boude comme tous les soirs. « Allez, mange ta soupe, t'es plus un bébé quand même. » Ma cadette prend son air buté. Le père fronce les sourcils. « Allez, vite !» L'adolescente regarde son père par en dessous. Je la secoue. « Vas-y, tu sais bien que tu n'y échapperas pas. Tu vas avoir 16 ans, ma grande. » Josette porte à ses lèvres sa cuillère avec une mine dégoûtée. Tous les soirs, c'est la même sempiternelle scène depuis sa plus tendre enfance. Papa se lève dans un bruit métallique de pieds de chaise raclant le carrelage et vient se placer derrière sa gamine, dont il noue solidement la serviette sous le menton. « Aval, dit-il, en enfournant la soupe entre les mâchoires serrées de la fillette. « Me fais pas me mettre en colère. » La petite bouche s'ouvre avec une docilité sournoise, tandis que nous nous soulageons de la tension ambiante en pouffant derrière notre poing. « Alors, elle est pas bonne, cette soupe ?»« Non !»« Elle est aussi bourrique que toi, dit papa à maman, qui réplique doucement mais fermement. « C'est pas pire de mon côté que du tien. » Cette petite guérilla cesse lorsqu'un coup d'œil à l'horloge murale avertit papa que les informations télévisées vont commencer dans quelques minutes. Il se coupe à la hâte un gros morceau de fromage de chèvre et emporte les morceaux à sa bouche sur la pointe de son couteau en manche de corne. Ce faisant, il promène autour de la tablée un œil débordant d'indulgence, comme s'il était fier, en définitive, de voir sa progéniture porter bien haut l'étendard de l'entêtement spécifique, autant à sa lignée qu'à celle de sa femme. Enfin, il essuie son couteau sur une dernière bouchée de pain gardée à cet effet, le replie d'un déclic bien sonore et le fourre dans son veston qu'il n'enlève presque jamais, même à table, puis passe dans la salle à manger où trône le téléviseur. Ce soir encore, rien n'a véritablement changé, hormis le fait que Josette mange sa soupe toute seule avec force grimace. Les langues, plus ou moins tenues en laisse jusqu'au départ de papa, se délient un peu autour du dessert. Après avoir écouté ces deux gamines les plus jeunes relater leur journée d'école, maman, qui a l'air un peu plus détendue, déclare de son ton si souvent moralisateur, continuez de bien travailler si vous voulez exercer un bon métier plus tard. Si j'en avais un, je m'achèterais tout ce qui me plaît, sans demander l'autorisation à votre père. Je ne vivrais pas confinée à la maison. Je me sentirais utile. Je croupirais pas au bas de l'échelle. Josette de sa voix flûtée. Tu pourrais te trouver un boulot si tu voulais. Je ne peux pas faire grand-chose avec mon certificat d'études. Et puis votre père dit que j'ai assez à faire à la maison. Je la coupe brutalement. Il faut passer outre. Tu as aussi ton mot à dire, non? C'est le chef de famille qui décide. Pour les hommes de ma génération, la place de la femme est avant tout au foyer. Tout en débarrassant prestement la table, alors que mes sœurs vont faire leurs devoirs, je calcule égoïstement que l'esclavage domestique maternel m'épargne bien des tâches matérielles que je ne goûte guère. La cérémonie rituelle de la vaisselle qui vole entre les mains abîmées de la mère se prête aujourd'hui à quelques confidences. Ton père est un homme bien brave, mais un peu arriéré. Cela fait des années que je lui demande d'acheter une nouvelle machine à laver, mais il ne veut rien entendre. Il ne se rend pas compte que je m'épuise à essorer le linge à la main. Il n'a pas des idées aussi rétrogrades que tu le dis. Dans la rue, on a été les premiers à posséder un téléviseur, dis-je, tout en replongeant dans le bac de l'évier une casserole mal récurée. Pour ce qui est de la télé, je m'en passerai bien, quant à moi. Il est pour le progrès, mais il estime à juste titre qu'on ne va pas changer de machine sous le prétexte que le voisin en a une plus moderne. Je t'assure pourtant que cela me soulagerait bien. Il faut en rediscuter tranquillement avec lui. On dirait que tu te complais dans un rôle de femme brimée. Ah, vous me fatiguez tous, je vais me coucher. Maman ôte sa blouse qui révèle des formes assez gracieuses, mal mis en valeur par des habits faits maison. Puis nous quittons la cuisine, aussi reluisant de propreté qu'un laboratoire. Fin novembre, j'écris à Klaus. Lors de mon dernier voyage en octobre avec un groupe mosellan, ami de la RDA, dont j'ai eu connaissance par un étudiant, j'ai pu avoir une approche un peu moins superficielle que lors de mon voyage à Berlin. Cette fois-ci, nous n'avons pas attendu longtemps à Helmstedt-Marienborn pour la bonne raison que notre organisateur a sorti assez discrètement de la soute du car pas mal de cartons qui ont disparu très vite dans les locaux de la police. Cette amitié officielle avec l'Allemagne de l'Est, à l'initiative de communistes français, s'accompagne inévitablement de petits cadeaux. Très vite, nous avons atteint Wernigerode. Tu souviens-tu de cette promenade dans le Harz avec Wolf et Angelica qui contemplaient tristement l'horizon vers l'Est en pensant à leur famille habitant de l'autre côté? Au fait, tes amis sont-ils toujours ensemble? Wernigerode, une charmante petite ville pareille à ses voisines d'en face, avec ses maisons à colombages laissées plus ou moins à l'abandon. Dans le restaurant, nous avons pris notre petit déjeuner. J'ai été quelque peu choquée par la richesse du buffet et le fait qu'une petite jeune fille de 15 ou 16 ans faisait le service. N'aurait-elle pas dû être à l'école? Choquée aussi par ce magasin où on peut acheter, avec des devises étrangères, à peu près tout ce qu'on trouve en RFA. Je me suis demandé qui pouvait bien s'y approvisionner. J'ai réussi à m'écarter du groupe pour partir à la découverte de coins qu'on ne montre pas aux Occidentaux. Je n'avais pas peur, non. Que pouvait-on me faire? Alors que je remontais une rue, quasiment déserte, j'ai croisé une jeune femme au visage avenant qui poussait un landau. Comme elle me souriait, je me suis approchée pour regarder son bébé et les saluer. « Vous êtes autrichienne ?»« Non, française. » Après un bref coup d'œil de gauche et de droite dans la rue, elle m'a dit « Montez chez moi !» Je l'ai suivie dans son minuscule appartement de deux pièces où son mari regardait à la télévision une épreuve d'athlétisme. Très aimable lui aussi. Il m'a offert un verre de bière et expliqué qu'il était entraîneur sportif. Les rumeurs relatives au dopage circulant à l'ouest sont-elles fondées? Ai-je demandé. Pour toute réponse, il a eu un petit sourire en coin. « Ah, vous savez, m'a-t-il dit plus tard, tout n'est pas mauvais chez nous. Le montant des loyers est dérisoire et les femmes bénéficient d'un long congé de maternité. Nos crèches sont remarquables. L'accès à l'école et aux soins est gratuit. On fait beaucoup pour les enfants ici. » J'ai quitté ce couple charmant, sans lui demander son adresse, afin de lui éviter d'éventuels ennuis. À Magdebourg, j'ai acheté des chaussures, des disques et quelques objets en céramique pour pas grand-chose, à des vendeuses que j'ai eu l'impression de déranger. Les bâtiments publics du centre-ville, édifiés selon les critères en vigueur de l'architecture stalinienne, sont à vomir. Nous avons rejoint ensuite Halle, où j'ai pensé à Peter, ton cousin, que tu n'as jamais pu rencontrer. J'espère que ce fils de SS n'a pas eu à souffrir du régime qui, de toute façon, a dû composer avec son passé, quoi qu'il en dise. Un pasteur protestant nous a fait visiter son église fermée, pas loin de la place du marché. Que voulait-il nous montrer? Que la liberté de conscience et de culte existe? Ma foi, je n'en sais trop rien. On n'efface pas, de toute façon, des siècles et des siècles de croyances. Le petit homme malingre, très certainement contraint à des compromissions avec l'État, n'avait pas l'air très à son aise, je peux l'affirmer. Une averse glaciale nous a empêchés de visiter la ville, apparemment par trop détruite par les bombardements, et nous sommes restés agglutinés comme un troupeau de moutons sous un porche pendant près d'une heure. Après, le car nous a emmenés, à la demande d'un sexagénaire de notre groupe, à la sortie de Halle vers un lieu étrange. Un immense champ nu, entouré d'arbres particulièrement sinistres sous la bise chargée de grêlons. L'homme s'essuyait sans arrêt les yeux avec son mouchoir. L'organisateur du voyage a expliqué que ce lieu fut autrefois une annexe du camp de Buchenwald. Mais rien ne le signale, pas un panneau, pas de mémorial, comme si l'on voulait effacer les traces du monstrueux passé de l'Allemagne. L'un de nos accompagnateurs allemands a dit: Nous n'avons rien à voir avec les fascistes qui nous ont torturés et massacrés, nous, les communistes. Cet endroit qui nous fait honte, nous préférons le rayer de notre mémoire. Je ne suis pas d'accord, inutile de le préciser, je pense. Toi aussi, tu n'aimes pas que j'évoque ces monstruosités, je le sais bien. Vous étiez là, ai-je demandé à notre compagnon de voyage? Oui, a-t-il répondu d'une voix étranglée. Je continue le récit de mon voyage que j'ai dû interrompre hier soir pour travailler un peu. J'ai été heureuse de fouler le sol de la maison que Goethe habita pendant 20 ans jusqu'à sa mort en 1732 à Weimar. J'ai respiré là une autre Allemagne, celle où souffle l'esprit. Tout est resté en place, comme si le grand homme venait de quitter les lieux. On ne l'a pas relégué aux oubliettes car des cohortes d'élèves visitent le lieu, mais le lit-on encore, et si c'est le cas, de quelle façon? Sinon, dans les quartiers périphériques de la ville, j'ai vu des bâtiments lépreux qui n'ont pas dû être rafraîchis depuis Hitler. Je doute que le socialisme puisse prospérer sur un tel terreau. Nous nous sommes promenés dans un parc où des soldats russes en uniforme se promenaient avec leurs épouses et leurs progénitures. Cela m'a fait tout drôle de croiser des soviétiques qui font partie apparemment du paysage. Une fois, devant un bâtiment officiel où nous avons assisté à une conférence, deux jeunes Russes balayaient le trottoir avec une telle lenteur que notre groupe se tenait les côtes de rire, ce qui ne les a pas dérangés le moins du monde. Lors de cette rencontre entre Français et autorités de la RDA, je me suis fait remarquer, bien sûr, car j'ai profité de l'impunité dont je jouissais pour poser une question dérangeante. N'est-ce pas illusoire et fallacieux de prétendre construire le socialisme dans un seul pays? Ou du moins dans un bloc coupé du monde, un type dont on trouve massivement l'équivalent chez nous m'a répondu avec courtoisie dans une langue de bois que je suis bien incapable de retranscrire. J'ai préféré me taire, consciente de la vacuité de l'échange. Un peu plus tard, notre accompagnateur allemand le plus âgé m'a fait part, à l'écart du groupe, de ses positions internationalistes qu'il n'a pas le droit de revendiquer publiquement. Marxiste depuis son adolescence, martyrisé sous Hitler, il ne peut que se soumettre aujourd'hui à un régime qui lui semble moins mauvais que celui de RFA. Rien n'est parfait chez nous, c'est sûr, mais chut, n'est-ce pas? Je serai discrète, ne vous en faites pas. J'avais bien remarqué que ces deux collègues plus jeunes, qui ne nous quittaient pas d'une semelle, étaient à coup sûr de la Stasi, la police politique. Comme l'un de ces messieurs, pas mal de sa personne, entre parenthèses, recherchait visiblement assez souvent le contact avec moi, j'ai osé lui demander si on pouvait lire Kafka dans les bibliothèques est-allemandes. Kafka? S'est-il exclamé, décontenancé. Non, pas que je sache. Nous apporterait-il quelque chose d'essentiel? Ces écrits sont une description métaphorique de notre monde. L'homme m'a regardé droit dans les yeux en fronçant les sourcils. Pas méchamment, plutôt de l'air de quelqu'un cherchant à comprendre. J'ai senti en lui une fragilité, un manque d'assurance, se traduisant souvent par des rougeurs subites de la face et un tremblement des lèvres. Chez son autre collègue, un peu plus âgé, les regards fuyants font pressentir un personnage délibérément louche à la solde du régime. « Vois-tu, mon cher Klaus, je ne puis m'empêcher d'être sensible aux faits sociaux. Toi, dans ce monde cruel et le plus souvent absurde, tu cherches un refuge dans l'art que tu pratiques comme une religion. Mais pour moi, je sais que je ne trouverai jamais le bonheur en pratiquant la politique de l'autruche. Je ne suis pas sûre que ma quête, de toute façon, soit le bonheur. Ma nature inquiète me convient très bien, en fin de compte. Je continuerai demain, il se fait tard. » Voici donc la suite de ma lettre. À Dresde, j'ai eu le cœur serré devant les ruines. À quoi bon construire, me dis-je souvent. À quoi bon enfanter? Mais bon, la question se pose depuis toujours. Nous sommes revenus par Karl Marxstein, ta ville natale, où tu te sentirais aussi étranger que moi, car la RDA a façonné une autre manière de vivre et un autre type d'humanité, me semble-t-il. Mais je me trompe peut-être. Alors que je prenais l'air devant un restaurant de Zwickau où nous venions de déjeuner, une jolie petite jeune fille de 17 ou 18 ans s'est avancée vers moi en me disant « Je m'appelle Lisa, je voudrais vous écrire. Mais tu ne me connais pas. Votre visage me parle, cela suffit. Tes lettres m'atteindront-elles ? Ne vous en faites pas. Ma grand-mère a le droit de se rendre à l'ouest de temps à autre chez mon oncle dont je vous donne l'adresse. Lisa, je suis d'accord. As-tu l'intention de quitter un jour ton pays et de chercher déjà un point de chute ? Ah non, jamais. J'ai ici mes parents, mes amis, mon lycée. Et puis j'aime l'endroit où j'ai vu le jour. Je voudrais seulement apprendre des choses sur l'Occident sans passer par le canal officiel. » Cette main tendue, cette curiosité de l'autre et cette indépendance d'esprit m'ont été un baume au cœur. J'attends beaucoup de cette amitié par-dessus le rideau de fer. En arrivant en RFA, j'ai eu l'impression de mieux respirer, l'air semblant plus guéret, les maisons plus colorées. Mais la publicité vulgaire s'affichant partout est-elle éthiquement plus acceptable que les slogans socialistes flanquant le mur de certaines usines? On sait de toute manière qui finance cette vitrine rutilante. En as-tu réellement conscience, dis? Je pourrais encore te parler d'une crèche où les petites filles jouent à la poupée, comme chez nous. Du lycée où j'ai constaté la pauvreté du repas servi à la cantine alors qu'on nous a gavé des mets les plus fins. Des soirées musicales qui constituent le fond de la culture allemande. Dis, que dirais-tu d'un petit voyage en Espagne l'été prochain? Je t'embrasse, Clotilde.